Chapitre 3. Commencement de la persécution de Taiko-sama. Cet ordre fut donné dans la nuit du 8 au 9 décembre 1596. Il y avait alors à Osaka quatre prêtres de la compagnie. Ils n'y étaient pas tous de résidence, mais deux y étaient venus pour recevoir la bénédiction de l'évêque du Japon, Pierre Martinez, qui y avait fait les fonctions épiscopales jusqu'au 7 décembre. Un domestique chrétien du gouverneur Farimandono vint les avertir du décret lancé. Un chrétien nommé Joseph était présent lorsque cette nouvelle arriva. Les pères résolurent d'abord d'attendre les soldats de pied ferme, mais Joseph leur fit des représentations si fondées qu'ils se retirèrent, deux chez un de ses frères et les deux autres chez le fils de Xibunojo, gouverneur de Meako. Ce fils était chrétien. Dans la journée, la triste nouvelle se confirma, et le père Gnichi, vieillard plus vénérable par sa sainteté que par son âge et par la durée de ses travaux apostoliques, crut voir que la persécution allait devenir terrible. Ne voulant pas laisser la chrétienté de Meako sans pasteur au moment du danger, il s'arracha aux larmes et aux prières des chrétiens qui s'étaient assemblés autour de lui. Le père Jean Rodriguez et le frère Paul d'Amakusa se mirent en route avec lui le lendemain matin, plein d'espoir que le martyr allait enfin terminer leur carrière. Les pères Pierre Morijon et François Pérez sortirent à leur tour de leur retraite et se rendirent à la résidence d'Osaka, où ils se firent mutuellement leur confession générale. Le frère Paul Miki et les chrétiens qui étaient restés dans la ville se confessèrent d'eux-mêmes et l'on prit des mesures pour sauver les vases sacrés et le mobilier de la maison. Pendant ce temps, arriva la nouvelle que Taiko-sama avait modifié ses ordres, qu'il n'en voulait plus qu'au seul père franciscain, coupable d'avoir publiquement contrevenu à son ancien édit. Que, sur le soir, des officiers du gouverneur s'étaient rendus à leur maison, qu'ils avaient pris les noms du père Martin de l'Ascension, d'un servant de messe et de deux enfants. Qu'ensuite, ils avaient laissé une garde devant leur demeure. Mais bientôt, ces mêmes officiers se présentent devant la résidence des jésuites. Un chrétien, nommé Onga Savara, va à leur rencontre et leur dit que, quoique le père Rodriguez, l'interprète de l'empereur, y eut à sa disposition quelques pièces et que l'évêque, durant son séjour à Osaka, les eût occupées, cette maison cependant lui appartenait et qu'il n'y trouverait que Paul Miki, un servant de messe, Jean Soin et un domestique nommé Jacques Kisai. Les officiers mirent ces noms sur leur liste et, en partant, recommandèrent aux voisins de garder la maison. Quoique les pères Morijon et Pérez eussent prié André avec insistance de déclarer également leur présence aux officiers, le néophyte n'en fit rien. Ses pères eurent beau soupirer après le martyr. Pendant la nuit, deux seigneurs chrétiens vinrent avec des chevaux et les forcèrent d'y monter et de se rendre à Sakai. Mais ils revinrent quelques jours après, à Osaka. Paul Miki et ses deux compagnons auraient pu s'échapper d'eux-mêmes, mais ils tenaient de trop près la couronne du martyr pour la laisser tomber de leurs mains. À Meako, la maison des jésuites fut aussi gardée et quelques noms inscrits sur la liste fatale. Il en fut de même chez les franciscains. Le 11 décembre, l'empereur ordonna à Xibunojo, gouverneur de Meako, de mettre à mort tous les pères. Comme les païens, en entendant les Portugais donner aux jésuites le nom de père, s'étaient imaginé que c'était là le nom des disciples du Sauveur. Ils étaient dans l'habitude d'appeler père tous les chrétiens. Une vieille femme nommée Marie crut donc qu'elle aussi pourrait mourir sur la croix. Aussitôt, elle se mit à préparer ses habits de fête et dit à d'autres fidèles « J'ignore si une femme a assez de courage pour mourir sur une croix. Aussi, si vous voyez que je faiblis, ne tolérez pas une telle lâcheté, mais traînez-moi de vive force auprès des bourreaux pour que je meure martyr avec les autres. » La généralité des chrétiens était dans des sentiments analogues. Les missionnaires ne parlaient que du bonheur qui les attendait. Entre tous, personne n'était plus dans la joie que le vieux père Gnichi, qui, calme et joyeux, ne doutait pas qu'il n'allât enfin cueillir la palme du martyr. Mais le père Pierre Gomez, vice-provincial, considérant plus le bien de la mission que des missionnaires, ordonna à tout le monde de s'éclipser et de n'exercer le saint ministère qu'avec de grandes précautions. La plupart des pères se retirèrent dans les états des princes chrétiens, d'où ils portaient discrètement les secours de leur ministère aux fidèles des autres royaumes, dans l'espérance que l'empereur, satisfait de cette discrétion, reviendrait bientôt de son emportement. Quant aux princes qui leur fournirent un asile, le roi d'Arima surtout, et à son exemple, ceux de Fingo et de Bugen, se déclarèrent en leur faveur d'une manière si éclatante qu'on ne peut attribuer qu'à une conduite particulière de la Providence la tranquillité dont le fier Taiko-sama les laissa jouir. Ce fut dans ces conjectures que le roi d'Arima entreprit de faire embrasser le christianisme à tous ceux de ses sujets qui étaient encore idolâtres, et il eut un succès que l'attente même de la persécution parut accélérer. Le roi de Fingo retira le généralissime disgracié et toute sa suite dans l'île de Junominga, qui bientôt devint célèbre par le concours de tous les chrétiens les plus qualifiés. Il venait par troupes honorer cet illustre confesseur, et déjà il lui rendait une espèce de culte. Plusieurs furent si charmés de la joie céleste que goûtait avec lui son illustre famille, dépouillée de tout, que se défaisant eux-mêmes de leurs emplois et de leur dignité, ils s'établirent dans cet asile de l'innocence et de la véritable paix. Le vieux roi de Bungo, qui le disputait en zèle à tous les autres, était mort en odeur de sainteté. Le roi Josimon, fils unique d'un père qui fut autant l'apôtre que le souverain de ses peuples, devint après sa mort, au moins pour un temps, apostat et persécuteur. Il fit même plusieurs martyrs, les premiers que la persécution déclarée ait donnée à l'Église du Japon, qui reçut ainsi d'un prince chrétien ses premières plaies. Mais la reine douairière, deux princesses sœurs du roi, et tout ce qu'il y avait de plus distingué à sa cour, préférèrent persévérer dans la foi, avec un courage que les menaces et les violences ne rendirent que plus inébranlable. Cependant, les confesseurs et tous les fidèles du Japon reçurent une consolation bien douce, tandis que ceux qui la leur donnaient éprouvaient eux-mêmes les plus cruelles amertumes. Ce fut alors que rentrèrent au Japon quatre ambassadeurs qui en étaient partis pour Rome 7 à 8 ans auparavant. Les témoignages de la tendresse paternelle du souverain pontife qu'ils rapportaient à leurs compatriotes chrétiens suspendirent toute leur douleur. Mais les ambassadeurs qui n'apprenaient que des nouvelles consternantes, savoir la fin tragique de Nobunaga, l'élévation de Faxiba sur le trône impérial, le christianisme proscrit dans l'Empire, la mort du roi de Bungo et du prince d'Omura, autrefois les plus fermes appuis de l'Église du Japon, l'apostasie du jeune roi de Bungo, ces pieux ministres éprouvèrent tout ce que la surprise peut ajouter à la douleur causée par des revers aussi funestes qu'imprévus. Leur foi, néanmoins, bien loin d'être ébranlée, prit un nouveau degré d'héroïsme. Peu contents d'y persévérer eux-mêmes, ils se dévouèrent à l'apostolat, et renonçant à toutes les grandeurs du siècle, ils entrèrent au noviciat des jésuites, afin de multiplier les ouvriers évangéliques, devenus plus nécessaires que jamais. Ceux qui avaient été arrêtés à Osaka et à Meako, et dont on avait envoyé les noms à l'empereur, étaient déjà au moment de recevoir la couronne du martyr. Ce prince avait commandé qu'on dressât aussi une liste de tous les chrétiens qui fréquentaient les églises de ces deux villes, sur quoi le bruit se répandit dans les provinces, qu'on allait faire mourir tous ceux qui refuseraient d'adorer les dieux de l'Empire. Cette nouvelle, qui ne semblait devoir exciter que la terreur, alluma une telle ardeur pour le martyr que les idolâtres en furent dans l'admiration. Le généralissime Ukondono, donnant toujours l'exemple, vint aussitôt se ranger parmi les missionnaires, dans la pensée qu'on ne manquerait pas de les saisir et qu'ils partageraient leurs chaînes et leurs supplices. Il fut imité par deux fils du grand maître de la maison de l'empereur, dont l'aîné, déjà revêtu en survivance des charges de son père, accourut de 200 lieues à Meako et s'habilla comme les missionnaires afin d'être plus tôt arrêté. Tous ces gens qu'il voulut congédier protestèrent qu'il mourrait avec lui. Son cadet, qui se trouvait dans le sein de la famille, eut à combattre toute la tendresse de ses proches et les menaces même de son père qui était païen, quoique très affectionné aux chrétiens, mais il montra un courage qu'ils désespérèrent bientôt d'ébranler. Un de ses cousins, animé du même esprit, vit tomber en faiblesse à ses pieds sans rien perdre de sa fermeté sa tante, femme du grand maître, accablée de la seule image des périls où se précipitaient ses fils et son neveu. Il lui dit au contraire, sur une si belle mort, des choses si grandes et si touchantes que tous les assistants ébranlés lui applaudirent au moins par leurs larmes. Un prince, parent de l'empereur et possesseur de 3 royaumes, alla se renfermer chez les jésuites afin de mourir avec eux. Un autre prince, à peine baptisé, fit publier dans ses terres qu'il punirait sévèrement tous ceux qui, interrogés si leur prince était chrétien, dissimuleraient la vérité. Un seigneur des plus puissants et des plus renommés pour sa bravoure, craignant qu'on n'osât point le venir prendre chez lui, alla se présenter avec sa femme à l'un des ministres de la persécution, sans autre suite qu'un fils de 10 ans qu'il conduisait par la main et une fille trop jeune encore pour marcher que portait la mère. Les gens, même des conditions les plus communes, paraissaient avec intrépidité devant les officiers de la justice. En un mot, tous ne se montraient attentifs qu'à ne point laisser échapper l'occasion de signer de leur sang la confession de leur foi. Les femmes de qualité travaillaient en hâte avec leurs suivantes à se faire des habits magnifiques afin d'honorer le jour de leur mort qu'elles n'appelaient pas autrement que le jour de leur triomphe. Elles se rassemblaient dans les maisons où elles espéraient être plus facilement reconnues. Elles ne parlaient que du bonheur de confesser le nom de Jésus jusqu'à la mort et soupçonnaient à peine qu'on pût renier son Dieu et son Sauveur. On vit une jeune dame avec un admirable sang-froid préparer son sacrifice jusque dans les moindres détails et ajuster sa robe de manière à paraître dans toutes les règles d'une scrupuleuse décence sur la croix où le bruit courait qu'on allait faire mourir tous les chrétiens. Les domestiques, occupés aussi de leur propre sort, s'empressaient à préparer l'un son reliquaire, l'autre son chapelet ou son crucifix. Et tout cela d'un air si calme et si paisible que quelques militaires encore prévenus des préjugés de leur pays où c'est une infamie que de souffrir la violence, jetèrent à ce spectacle leurs poignards et leurs cimetières pour prendre avec les femmes quelques instruments de piété et se laisser égorger comme elles. Au milieu de tant de grands exemples, ce qui donna aux infidèles la plus haute estime du christianisme et déconcerta toutes leurs idées, ce fut l'ardeur des plus jeunes enfants à se faire inscrire dans les dénombrements qu'on faisait des fidèles et la vive appréhension qu'ils témoignaient d'échapper à la mort. Bientôt néanmoins tous ces mouvements se calmèrent. La nouvelle arriva qu'on ne ferait mourir que les missionnaires arrêtés à Osaka et à Meako avec le peu de chrétiens qui s'étaient alors trouvés chez eux. L'empereur n'avait même proscrit que les religieux venus des Philippines comme du lieu où il imaginait que les Espagnols méditaient la conquête du Japon et les avait envoyés pour ménager le soulèvement des Japonais convertis. Cependant, comme il avait déjà vu la liste où les 3 jésuites étaient inscrits avec les 6 religieux de Saint François, et que le gouverneur d'Osaka, tout favorablement disposé qu'il était, n'osa prendre sur lui d'y rien changer, tous les 9 restèrent sous la proscription. Il est vrai qu'on ne les gardait pas fort étroitement. Au moyen de la liberté qu'on leur laissait de vaquer à leurs affaires, ils pouvaient aisément disparaître. Mais si les simples fidèles avaient tant d'ardeur pour le martyre, leur père et leur maître n'avaient garde de l'envisager comme un sort à fuir. On espéra un moment que la colère de Taiko-sama se calmerait, sans qu'il fût répandu du sang. C'est que le gouverneur Xibonojo, quoique idolâtre, n'approuvait pas les mesures cruelles ordonnées par l'empereur. Il espérait qu'en tirant les choses en longueur, il obtiendrait le changement de la peine capitale et que l'empereur se contenterait de faire sortir de ses états les prisonniers européens et de soumettre les autres à la dure peine de l'exil japonais. Mais le 30 décembre, Jacuin Takin, le haineux médecin qui excitait l'animadversion de Taiko-sama contre les chrétiens, se rendit auprès de son maître qui était sur le point de partir pour Osaka et lui persuada de ne pas différer le supplice des pères des Philippines et de leurs adhérents. L'empereur lui prêta l'oreille et donna de suite des ordres en ce sens à Xibonojo, qui les transmit à son lieutenant, à Meako. Le 31 décembre, Taiko-sama, à son arrivée à Osaka, commanda de conduire le père Martin de l'Ascension et ses 3 compagnons à Meako. Malgré le changement de la volonté impériale, le gouverneur Farimandono, qui avait été accusé d'être trop favorable aux chrétiens, n'osa, pas même au dernier moment, ôter la garde de devant la maison des jésuites. Et, de peur de nouveaux reproches, il fit conduire à Meako avec le père Martin, Paul Miki et ses 2 compagnons. Ce fut ainsi que les 3 saints firent partie de la courageuse phalange. L'ordre de l'empereur était de promener ignominieusement les prisonniers sur des charrettes dans les villes de Meako, d'Osaka et de Sakai, de leur couper le nez et les oreilles et de les faire crucifier ensuite à Nagasaki. La sentence portait expressément qu'ils étaient condamnés pour être venus des Philippines au Japon pour avoir longtemps séjourné dans cet empire sans la permission de l'empereur et pour y avoir prêché contre sa défense la loi des chrétiens. Les prisonniers étaient 24 en tout. 3 jésuites japonais, dont un ayant fait ses vœux nommé Paul Miki, et 2 novices, Jean Soin, appelé communément Jean de Goto du nom de son pays, et Jacques Kissaille. 6 religieux franciscains, Pierre Baptiste, supérieur de tous, Martin d'Aguirre de l'Ascension et François Blanco, prêtre, avec 3 frères nommés Philippe de Las Casas ou de Jésus, François de Parilla ou de Saint-Michel et Gonsalve Garcia. Les autres étaient des domestiques, des enfants de cœur ou des catéchistes attachés aux religieux de Saint-François et surprise avec eux quand on avait mis des gardes à leur maison. Mais avant d'aller plus loin, nous devons retourner en arrière et raconter la vie des 3 saints jésuites.